caresse, mes tracas, le sable glisse entre mes doigts et le soleil me brûle la peau. Le vent caresse mes cheveux, il sèche mes plaies et mes bleus. Ici j'oublie tout et je me sens mieux. Et si demain je n'oublie rien de cette grisaille qui nous retient, je prendrai la prochaine vague. Et même si ma mémoire divague, je nagerai loin de vague en vague. Et même si dans mon paysage je croise parfois quelques mirages, je mène ma barque au large, je mène ma barque au large, je mène ma barque au large, je vague en vague. Je mène ma barque au large, je vague en vague. Et même si parfois sur les plages il existe bien quelques naufrages, j'avance comme dans un livre au fil des pages. Le vent caresse à mes cheveux et le soleil un peu mes yeux, et demain je renaîtrai en ces lieux. Et si demain je n'oublie rien de cette grisaille qui nous retient, je prendrai la prochaine vague. Et même si ma mémoire divague, je nagerai loin de vague en vague. Et même si dans mon paysage je croise parfois quelques mirages, je mène ma barque au large, je mène ma barque au large, je mène ma barque au large, je vague en vague. Je mène ma barque au large, je vague en vague.